J'ai vu un ami perdre le match de la vie. C'était mercredi, merde, les funérailles c'est samedi. Tout le monde en noir, pleurant dans le couloir, yeux miroir. Cristal, la mort fait mal. C'est drôle quand tu gangbang, mais quand tu perds ta mère. Puis ta mère, ça met à terre, ton père à l'envers. Je m'ennuie toi sur terre. Ah oui, en passant, c'est Coli qui a hérité de ton revolver. On reflète les réalités de notre quartier, c'est pourquoi notre style restera valide. On reflète les réalités de notre quartier, c'est pourquoi notre style restera valide. Je m'appelle Kill-O, a.k.a. Cool-E, qui après un freeze te tease, car le beat te dit chill, comme le project d'échec. OG's est avec l'emprise que je m'enflo, je te monopolise comme Monopoly, négro. Yo, qui peut test l'intrépide du style, a.k.a. David, comme le dit si bien Casey. Cool, cool du style comme du liquide, avide de style comme la dame d'à côté, qui d'ailleurs je veux pèse comme Rosie Lopez. Biz comme une abeille qui pique plus de bounda. On les olympiques en écoutant la ligue d'olympique d'Haïti. Parce que moi c'est haïtien, t'as compris crétin. Je i comme Fuji, ha comme Busta Rhyme. D'ici là-bas cool et là pour représenter le old school d'Haïti au Canada, mon pays adoptif. Gardez le dispositif de votre esprit positif. Yo, the double S baby. So maintenant je rentre le beat, so bass check mon flow. Le double S à côté de moi c'est Coolie boss de flow. On représente le hip hop, yo c'est ça qu'il faut. Le hip hop dans mon cœur comme boom boom avec l'écho. It's T-Weed on the mic, I mean Whitey's vocal. Dédicité à tout le monde qui suit encore mon flow. J'ai trop fumé de weed, just don't come sharing. Fait que si tu veux danser, that last one talent. The double S baby. Mon style arrivé à l'inconnu, mais toi t'es bien chanceux, tu tombes dessus. Je le dédie à tous ceux qui ont essayé de me passer dessus. Le style Ritalité est arrivé, bien comme tout fait éveillé. Pour s'emparer du francophone, kicker NOA. Cet automne 96, ça t'étonne. À coup de mégatonne qui t'étonne, qui résonne dans toutes les oreilles des MC francophones. Je représente dans le quartier Double S, Star Nouveau Né. The Double S, baby. On reflète les réalités de notre quartier, c'est pourquoi notre style restera valide. On reflète les réalités de notre quartier, c'est pourquoi notre style restera valide. 69.3 FM dans le Babylone, en direct de la Rive-Sud, vous invite à ne pas oublier qui est qui fait quoi et pourquoi, et que la ponctualité est le langage des rois, et la vérité te procurera de la sérénité. Peace, il est temps pour nous de partir, en vous remerciant d'être encore à l'écoute. Sans vous, on ne sait pas ce qu'on ferait. Merci mille fois. CSV, envoie donc 2 ou 3 beats instrumentales pour les MC francophones locales. Histoire qui se pratique. Bonne chance dans mon texte. Voilà. God bless.